auditeurs de Radio Guémozo, je suis Lia et je suis avec toi depuis l'odeur du son. Tu es bien sur le 107 FM Radio Guémozo. Je suis ravie de te retrouver car voilà quelques semaines quand même que je n'étais pas revenue franchement sur les ondes. Alors pour commencer, je partage avec toi cette phrase, la musique est l'aliment de l'amour, et j'espère que mon invité sera d'accord avec ce que je suis en train de raconter. Il est maintenant temps de l'accueillir, mon invité Moustapha Itala. Mousse, bonjour, comment tu vas? Comment que c'est? Mozo. Est-ce que ça va? Ça va, Lia, tranquille. Hein. Eh ben, c'est ça bien. Ça se passe bien quand on est à Radio Guémozo, ça se passe toujours bien, de toute façon. Super. Alors, homme aux multiples casquettes et pas seulement professionnel, mais on ne va pas parler couvre-chef aujourd'hui, tu es directeur artistique de Total Comédie et de Airplay et depuis peu programmateur au sein d'Omega Spectacle. On parle d'actu avec toi, Mousse, aujourd'hui. Et pour commencer, eh bien, l'événement, la fête de la musique, le mardi 21 juin avec de beaux artistes, dont le groupe tête d'affiche Sins Emilia, qui organise cette fête de la musique, Mousse. Elle est organisée par donc l'association Pacte, hein, qui est aussi qui a fédéré autour d'elle donc les trois communes autour de nous, donc la commune de Saint-Nabord, Saint-Étienne et Remiremont. Donc le projet était étant que ces trois communes, c'est des communes proches et d'ailleurs on vit tous ensemble. Oui. Donc on se connaît tous. Je pense que le bassin est très intéressant sur les trois communes. Voilà. Donc l'idée avec donc les trois mairies, c'est de pouvoir offrir une action culturelle au sein de sa population en général, donc tout âge. Mais oui. Donc parce que Sins Emilia aussi, c'est 30 ans de carrière et de faire découvrir aussi ce groupe aussi à la jeune génération. Donc pourquoi Sins Emilia? Donc voilà, déjà ça c'est fait, parce que je sais qu'il va me poser cette question. Mais du coup, c'était de pouvoir, voilà, moi je pense que dans notre bassin, on a trois belles mairies qui peuvent mener des projets en commun. Et il va falloir les impulser, bien sûr, avec les mairies, ou aussi, bien sûr, avec les habitants, et de créer quelques projets dans l'année en commun, d'où on avait fait également les Jeudis du Rire et ensemble. Oui. Une saison, voilà, malheureusement avec le Covid, il y a eu quelques dates un peu qui ont été reportées, mais les dates qu'on a pu faire étaient donc encourageantes. Et il faut continuer dans ce sens-là. Je pense que aujourd'hui, comme on dit, l'union fait la force, et il va falloir continuer dans ce sens-là, je pense, dans les années à venir. C'est ce qu'on vous souhaite. Alors, plusieurs fois repoussé cette fête de la musique, j'imagine que ça fait plaisir. Là, ça y est, on y est. Ça va se faire. Ça fait plaisir. Le groupe, content que Sins Emilia ait accepté de le faire le jour même. Et ouais, incroyable. Parce que c'était un groupe aussi qui vient de Grenoble et qui aurait pu le faire aussi là-bas, chez eux. Et là, cette année, Remiremont a été choisi. Donc, voilà, le groupe. Qui m'est fidèle aussi par rapport, parce que ça fait trois fois que je le fais, oui. Et dans la région. Et donc c'est un groupe vraiment avec des valeurs humaines. Donc voilà, donc je tiens à le souligner. Et ce sera un gros moment de partage, peu importe le temps, si on est à l'extérieur ou à l'intérieur, parce que s'il pleut, quoi qu'il arrive, on est au Palais des Congrès. C'est bien. Ça sera réduit en jauge, mais on essaiera de faire tourner un petit peu les gens en entrée sortie. Mais en tout cas, peu importe le temps, la fête de la musique, elle aura lieu cette année. Ah. Voilà. Alors on a dit, cette année, on ne se loupe pas, quoi qu'il arrive, on y va. Ah, ça fait plaisir. Alors Sinsé, comme tu le dis, groupe mythique qui a fêté leurs 30 ans de carrière quand même. On va s'écouter un morceau tout de suite de Sins Emilia pour planter le décor, yes. Si t'es d'accord. Alors tout le monde connaît Tout le bonheur du monde, mais moi j'avais envie de faire découvrir un autre titre des Sinsé. Leur texte écrit il y a des années semble encore d'actualité, c'est incroyable. C'est comme ce titre Respire, ça te dit quelque chose? Oui, très beau titre. Tu les connais tous par cœur? Ah, de toute façon, tous les titres de Sinsé sont d'actualité et c'est ce qui fait la force. Pour elle. C'est ce qui fait la force du groupe. On écoute ça tout de suite. Pierre par pierre, on est là à construire ces murs. Toujours plus haut, toujours plus large, toujours plus sûr. Pièce par pièce, on colmate, on peaufine nos armures. Toujours plus sombre, toujours plus froide, toujours plus dur. Se protéger de l'autre et de ses blessures. Se protéger même des nôtres, cela semble plus sûr. Laisser nos peurs construire leur immense tour d'ivoire. Faire le choix de ne pas voir ou de repousser à plus tard. se mentir à soi-même et finir par y croire. Détourner le regard du reflet du miroir. Se raconter des histoires et finir par y croire. Combien se réveilleront quand il sera trop tard? Combien mordent le bras quand tu leur tends la main? Si peu habitués à ce qu'on leur veuille du bien, combien baissent la tête pour ne pas regarder? Comme si le monde autour n'était fait que de danger. À l'ancienne, la nausée. J'en ai vu fermer les volets. Je l'ai fait aussi, je l'ai fait aussi. Et j'ai vu le temps défiler. Ouais mais Mike, moi j'ai plus le temps. Ça va, ça va. Non, j'ai plus le temps. Ça va. La vérité, c'est où cette liberté? Là, et laisse-moi passer, laisse-moi respirer à plein poumon, laisse-moi m'enivrer, laisse-moi courir vers ceux que j'aime, laisse-moi leur dire combien je les aime, laisse-moi les prendre dans mes bras, sans cinéma, je veux sentir leur cœur battre, qu'ils sentent le mien. Donne-moi la main, viens. On laisse tomber les masques. On se regarde face à face. On laisse tomber les masques. On peut briser la glace. On peut briser la glace. Briser la glace? Mais pour quoi faire? Tomber les masques, mais pour voir quoi? À quel point l'homme préfère se taire? À quel point l'égoïsme est roi? T'as vu ces manifs dans les rues de notre France? Ces milliers de gens crachés, leur refus de la différence. Ils théorisent sur l'amour, mais ils confirment son absence. Regarde ce qu'ils mobilisent, c'est ces petites haines qu'ils attisent. Certains ne le font que par bêtise, mais d'autres se nourrissent de ces crises, s'en gargarisent. J'aimerais croire qu'on a déjà passé le pire, mais tout semble le contredire. Je nous rêve unis pour sauver notre avenir, mais tant s'acharne à le détruire. Mec, dis pas comme ça, je suis pas comme ça. Et ils sont des milliers comme toi et moi. Arriver d'autres choix, je crois qu'on n'ose pas faire le premier pas. Mais on rêve tous d'une autre voie. On se refuse nous-mêmes le droit de faire entendre nos voix. C'est déjà trop tard. Je crois qu'il n'est jamais trop tard, non. Moi je veux encore y croire. Toujours avec Mousse pour cette émission spéciale actu, mais déjà spéciale fête de la musique, et ça nous fait bien plaisir. C'est déjà ce mardi 21 à Remiremont. Ça se passe où, à quelle heure et quel autre artiste on va retrouver, Mousse, sur place? Donc ça se passe donc le mardi à partir de 18h. Avec, il y aura aussi des artistes locaux. Donc il y a un artiste que j'aime qui travaille dans mes studios depuis déjà quelques années, Alban Toussaint. Et oui, donc, qu'on embrasse, Alban. Que vous connaissez. Bien sûr, il est déjà venu. Qui est déjà venu. J'aime bien, il a une sensibilité dans ses textes. Il fait du slam, rap, et il joue en plus, c'est un grand musicien. Oui. Et voilà, je voulais mettre à l'avant ce jour-là, mais plutôt dans ce côté slam, donc texte. Et puis donc, il y a un autre groupe aussi également, donc c'est Liar Burning, c'est un petit groupe acoustique en reggae, histoire d'ouvrir le bal avant Sinse Emilia. Ouais. Voilà, histoire de faire monter un petit peu la sauce. Mais ensuite, Sinse Emilia, 21h jusqu'à 23h. Mais on a aussi entre les parties le sound system Chaka Meka, donc la famille qui, depuis le début de l'aventure, est toujours là. Et voilà, comme on dit, la loyauté. Bien. La loyauté des amis là, qui sont toujours là et qui répondent toujours présents. Ils sont de Nancy, il y en a qui sont d'ici, du syndicat. Voilà, toujours ensemble et pour pouvoir donner des bonnes vibrations ce jour-là. Super. Alors ce concert, il est gratuit. Je sais que c'est toujours très important pour toi quand c'est possible de le faire, surtout ouais. dans le cadre de cette fête populaire qui finalement appartient à tous. Hein. Ouais. C'est important ça de pouvoir donner accès à la culture à tous. Important de mon histoire. En fait, c'est important par rapport à mon histoire. Quand j'étais jeune, donc, j'habitais dans le quartier du Rumont, où on n'avait pas beaucoup d'actions culturelles, tu vois, beaucoup de choses. Et puis, venant d'une grande famille, on ne pouvait pas se permettre de prendre 9 billets pour aller voir. C'est sûr. Puis mon père était ouvrier, hein, et on n'avait qu'un salaire pour 9 enfants. Et on ne pouvait pas se permettre non plus voilà, d'aller en concert. C'était... Puis même, on le faisait. Voilà. Et là où j'ai découvert, la première fois que j'ai vu une batterie, en vrai, un sax, c'était à la fête de la musique de Remiremont, c'était devant la mairie. Et c'est à partir de là, je me disais, ah ouais, quand même, ça sonne bien, ça c'est cool, ça. Et je me dis, à mon avis, aujourd'hui encore, il doit y avoir des enfants soit qui me ressemblent et qui malheureusement, de par rapport à la vie, à mon avis, ils n'ont pas accès à cette culture-là. Et même, je ne dis pas que les enfants, je dis même les parents qui n'ont pas accès à la culture. Oui. Et on a ce rôle aujourd'hui en tant qu'association. En tant que représentant, en tant que les mairies, on a de pouvoir offrir au moins une fois dans l'année, je ne dis pas tous les week-ends, au moins un grand concert professionnel. Et que le gamin puisse se dire, ah, il voit des belles lumières. Parce qu'autour de ça, il y avait plein de métiers. On a fait récemment ensemble le forum des métiers des arts du spectacle à Épinal, qui a bien fonctionné. C'est vrai. On a orienté beaucoup de gamins dans ces métiers-là. Et ben moi j'aimerais bien que tu vois c'est même pas le concert de la fête de la musique, c'est même pas la tête d'affiche qui me motive, c'est de voir ce gamin qui vient et qui, ça se trouve, il va regarder une lumière et va se dire c'est ça que j'ai envie de faire. Il va avoir le lighter ou l'ingé ou, tu vois, et ça peut donner aussi des perspectives, la génération de demain, bien entendu, des vocations et des vocations de dingue, tu vois. Et moi, pourquoi je suis là, c'est venu de cette histoire là tu vois. Je me dis, ah, mais en fait c'est magnifique, en plus il y a des valeurs humaines qu'on retrouve, on a des rencontres, ça m'a permis de voyager, de créer un groupe qui m'a permis avec des calcrous, avec Mike, de pouvoir faire découvrir la France, quoi, on va dire. Mais oui, tu vois, et donc ça part de là. Et je me dis, je pense que pourquoi j'avais fait Pierre Paul-Jacques déjà la première fois, eh ben j'avais eu ces réactions-là. Les gens sont venus me voir à la fin, c'était leur premier concert. Oh, c'est chouette. Et j'ai dit, ben voilà, il faut continuer dans ce sens-là. Et aujourd'hui que les mairies nous soutiennent, ben on ira tous ensemble. Il y a peut-être un petit mousse dans la foule qui deviendra un jour... Je te jure, mais c'est obligé. On a tellement un beau bassin de population. Oui. On est beaucoup quand même. Hein. Oui, on est beaucoup. Il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de bonne volonté. Franchement, les Vosges, c'est... belles initiatives. Et puis, il y a plein de pépites quand tu regardes. C'est vrai, je suis d'accord. Plein, tu vois, quand tu mettons en valeur ces pépites. Il y a beaucoup de pépites. On est là. Voilà. C'est quoi ton meilleur souvenir de cette fête de la musique, toi? C'est comme tu disais tout à l'heure, la première fois que tu as vu un instrument, quelque chose de tes yeux. C'est la première fois que j'ai vu un groupe, tu vois, parce que moi, je suis d'une culture hip-hop. J'ai regardé beaucoup de choses à la télé, tu vois, des émissions où ça rappait quand j'étais jeune. Et la première fois que j'ai vu un groupe avec des instruments, c'était ma plus belle fête de la musique. Ouais. Je suis resté là, je regardais le batteur. À mon avis, le batteur, il devait se dire, mais ce gamin, pourquoi il me fixe comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est le genre de truc, tu vois, tu vois, en fait, j'ai encore cette image du batteur, t'imagines, tu vois, avec son énergie et tout. Et je me dis, mais comment il fait, tu vois, j'essaie de trouver le truc et tout. Après, tu rentres chez toi, tu prends tes casseroles, tu prends deux, trois petites baguettes, tu vois, t'essayes tout aussi. Mais tu vois, c'est ça la musique. Et en plus, c'est la seule langue que tout le monde parle, en fait. C'est vrai, langue universelle, bien entendu. Tu peux aller dans n'importe quel pays, tu fais un peu de musique, c'est bon, quoi, t'as accepté, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça fait de devenir le Mousse d'aujourd'hui quand tu te vois hier ? Un petit peu la concrétisation de ce rêve de gosse, au final. Parce que maintenant, les batteurs, en partie, c'est toi qui les fais jouer. Ouais, tu vois, quand je fais des balances, quand je fais ça, je suis content de les recevoir. C'est des grands batteurs, en plus. Ça me fait plaisir que ce soit les. Et puis même, je sais pas comment te dire ça, mais c'était long, c'est un combat, c'est pas fini, parce que là maintenant il faut transmettre aux jeunes générations de pouvoir continuer. Oui. Moi, le but c'est pas de m'installer et puis de me dire qu'on est là et puis on reste là à se regarder, mais là c'est de former les jeunes générations. Surtout que on a, comme je te dis encore une fois, on a encore un beau bassin où il y a encore beaucoup de jeunesse. Et puis leur donner encore envie de pouvoir continuer cette aventure dans les Vosges et pas se dire vas-y, on va dans les grandes villes et tout. Je pense qu'ici on a du travail. On a ouvert des portes. On a ouvert des portes depuis le premier festival Tonton David au kiosque où on a pu montrer ensemble qu'on pouvait le faire. Et après ça a ouvert beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup plus de portes. Mais là on continue avec les humoristes qu'on ramène, avec tous les spectacles qu'on a fait, même Chantal Goya, toi, on n'aurait jamais penser qu'elle revienne un peu dans ces termes. Mais oui, c'est vrai. Elle est revenue. Après, je ne peux pas faire mon CV ici, là, mais je sais que tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour moi. Je ne l'ai pas fait pour la gloire. Je ne l'ai pas fait pour un compte en banque. Mais je l'ai fait vraiment pour la culture et de pouvoir transmettre. Ça, on le sait, Mousse, on le sait bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des jeunes, justement, avec toi, qui participent parfois au sein de ces événements, là, par exemple sur la fête de la musique ? Est-ce que tu as une équipe de bénévoles qui t'aide et justement à qui tu peux parfois transmettre des choses qui seront peut-être la future génération ? Ou est-ce que c'est un de tes souhaits ? On a des bénévoles, on a la chance d'avoir une agence au 5 rue des Prêtres à Remiremont. On a des jeunes qui passent, qui discutent avec nous. On a beaucoup de stagiaires, toi, ce qui est pas mal. C'est que voilà, on prend des stagiaires qui de différents collèges et lycées. Et en même temps, ça passe le mot. Et puis voilà, on recrute des bénévoles. Là, il va en avoir une vingtaine ce jour-là. Dont, génial. Dont aussi des bénévoles de l'action qu'on avait menée ensemble dans les métiers des arts et du spectacle. C'était bien. Et j'aime bien faire découvrir les coulisses à ces jeunes-là. C'est vrai. Comme ça leur met aussi. On aurait aimé, nous, qu'on nous ouvre les portes des coulisses. On en a tellement rêvé pendant toutes ces années. Oui. On a travaillé pour en arriver là. On a envie de d'ouvrir ces portes aux jeunes, bien entendu. Ouais. Je partage cette opinion. Il faut continuer. De toute façon, on est là. Je pense que même par rapport à ta radio aussi, c'est pareil. On va former nos jeunes générations. Et bien sûr. Et tout est lié quand tu regardes, de toute façon. C'est vrai. Je te propose qu'on écoute un petit disque chouchou que j'avais préparé spécialement pour cette émission. Gangstar, ça te dit quelque chose ? Gangstar, un grand rappeur américain de New York. Oui, c'est ça, You Know My Steez, on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. We had the right idea in the beginning and we just need to maintain our focus and elevate. We update our formulas. We have certain formulas, but we update with the times and everything, you know, and so... You know, the rhyme style is elevated, the style of beats is elevated, but it's still Guru and Premier. And there's always a message involved. The real hip-hop, MCing, and DJing from your own mind, you know? I guess right now we should start the show. Who's this suspicious character strapped with the sounds profound? Similar to rounds spit by derringers. You're in the terror dome like my man Chuck D said. It's time to dethrone you clones and all you knuckleheads. Cause MCs have used up extended warranties. While real MCs and DJs are a minority. But right about now I use my authority. Cause I'm like the wizard and you look lost like Dorothy. The horror be when I return for my real people. Words of split wigs hitting like some double desert eagles. Sporting caps pulled low and baggy slacks. Subtracting all the rappers who lack over Premier's tracks. Severe facts have brought this rap game to near collapse. So as I have in the past, I will bask. Dropping lyrics that be harder than sex and candle wax. And one-dimensional MCs can't handle that. While the world's revolving on its axis, I come with mad loving plus the illest warlike tactics. The wilderness is filled with this. So many people searching for false bliss. I'm here with the skills you've missed. The rejected stone is now the cornerstone. Sort of like the master builder when I make my way home. You know my Steez. You know my Steez. Let them know. Do your thing, dog. Keep it live. To the beat, y'all. The beat is sinister, Primo makes you relax. I'm like the minister, when I be lacing the wax, I be bringing salvation through the way that I rap. And you know, and I know, I'm nice like that. Work through worldly problems, I got the healing power. When the mic's within my reach, I'm feeling more power. Stealing at least 3 minutes of every rap radio hour. It's often easier for one to give advice than it is for a person to run one's own life. That's why I can't be caught up in all the hype. I keep my soul tight and let these lines take flight. The apparatus gets blessed and suckers get put to rest. No more of the impure, I got the cure for this mess. The whackness is spreading like the plague. MC's locked up and got paid, but still can't make the fucking grade. How many times a wannabe is gonna lie? Yo, they must wanna fry. They can't touch the knowledge I personify. I travel through the darkness, carrying my torch. The illest soldier when I'm holding down the fort. You know my steeds. Let them know, do your thing, dog. Keep it live. You know my steeds. Let them know, do your thing, dog. Keep it live. You know my steeds. Let them know, do your thing, dog. Keep it live. You know my steeds. Let them know, do your thing, dog. Keep it live. The mic. On the microphone, you know that I'm one of the best yet. Some punks ain't paid all of their debts yet. Trying to be fly, riding high on the jet set. With juvenile rhymes, making fake ass death threats. Big deal, like in Vogue, here's something you can feel. Style's more tangible, an image more real. For some time now, I've held the scrolls and manuscripts. When it's time to go all out, you be like, damn, you flip. Now I'm sick, fed up with the bullshit. Got the lyrical full clip, giving you a verbal ass whip. Don't trip, it's the gifted, prolific one, known as Ballhead Slip. Why is the press all on my diddick? My style be wilder than a kamikaze pilot. Don't try it, I'm about to stop more than a friggin' riot. Style's unsurpassable, and knuckles that suckers, yo, the motherfuckers are harassable. For I be speaking from my parables and carry you beyond. The mic's either a magic wand, or it gets tragic like the havoc of a nuclear bomb. Then I grab your palm, no pulse, you're gone. And if you thought we lose our niche in this rap shit, you way wrong. I stay up, I stay on, shine bright like neon. Your song's pathetic, synthetic like rayon. Fat beats they play on, one dope rhyme put me on. Word is bomb. Voilà pour ce son incroyable. Moi, je kiffe cette culture du hip-hop. Hein. Ça, c'est la vraie culture hip-hop, ça. T'as aimé, Mousse ? Ah ouais, mais ça, c'est ce genre de basse, ce genre de rythme-là. Ça fait plaisir. Ah oui. Ça met dans la vibe. Ah oui. Il y a d'autres actus dont tu avais peut-être envie de nous parler aujourd'hui. Mousse, je pense à Kamini qui monte sur les planches et ne se consacre désormais qu'à l'humour. Hein, dans son spectacle, on y retrouve son univers artistique décalé, psychédélique et surtout l'absurde qu'il manie avec beaucoup d'aisance, hein, comme il le faisait dans ses raps à l'époque. Kamini aborde tous les sujets du quotidien à l'histoire du monde et bien entendu sa propre vie. Kamini, vous pourrez le retrouver le samedi 25 juin pour son spectacle. Il faut que je vous explique à 20h30 à la salle du casino de Gérardmer. C'est ça, Mousse ? Oui, c'est bien ça. Donc ben là, en tant que j'ai ma casquette de programmateur, voilà. pour Omega, la multi-casquette. Omega Spectacle qui a quand même pour vocation de pouvoir proposer aussi des actions culturelles avec des artistes comme Kamini. Mais ouais. Autour, parce que ce sont des artistes aussi choisis par rapport à leur histoire. Et ce sont des artistes aussi qui échangent beaucoup avec leur public. Donc, après le spectacle aussi. Ah, génial. Très important. Et donc Kamini est aussi producteur et réalisateur du film Marley Gaumont. Hein, j'allais en parler. Qui est un très très beau film avec beaucoup de messages. C'est vrai. Et voilà, ce sont des artistes aussi, moi en tant que programmateur, que j'essaye de... Bah, c'est l'ADN de l'association quoi, qui est toujours là, de pouvoir trouver des actions culturelles qui bah, encore une fois, hein, l'échange. C'est ça. Et voilà. On peut encore acheter ses billets en ligne, j'imagine, oui, pour Kamini. Voilà, donc c'est un spectacle convivial. Voilà, c'est vraiment, comme je te l'ai dit, et il a vraiment un spectacle avec des messages de tolérance et qui parle de vraies valeurs. Oui. Donc voilà, des Kamini qu'on a tous connu sur son titre Marley Gaumont, qui était le seul noir dans son village, oui. qui a connu tellement de choses, t'imagines. Il parle beaucoup de racisme ordinaire, justement, Kamini, à travers tout ça, hein, c'est son message aussi. Mmh. Il faut quand même en parler, parce que c'est trop tabou encore. Ouais, et c'est très très... Bah, c'est, encore une fois, il faut se mobiliser quand on voit les scores qu'il y a eu... Bien sûr. Dernières élections, il ne faut pas attendre la dernière minute pour se dire, ben voilà, il faut vaincre les extrêmes. Il faut juste essayer de mettre des actions où qu'on puisse discuter. Tu sais, il n'y a jamais de violence dans la discussion réellement. Tu peux discuter, débattre. Tout à fait. Et tout, et puis essayer de se battre avec les mots et non pas avec des points. Bien entendu. Voilà. Et je pense que c'est très important. Très important de mener ces actions. C'est pas qu'un spectacle, quoi. Maintenant, les gens qui sont intéressés à venir voir ce spectacle, vraiment, c'est pas qu'un spectacle, mais c'est aussi un échange avec l'artiste, de son parcours. Et il a mis ça en spectacle pour qu'on puisse aussi en débattre. Donc c'est cool. Moi, j'aime bien cette initiative de l'artiste Kamini. Et qui, en plus, l'année prochaine, on a plusieurs projets ensemble dans les Vosges. Donc ça sera pas qu'une première, mais il sera là souvent chez nous. Ah, mais on a hâte qu'il arrive. Tu m'avais parlé d'un bus pour amener les gens au spectacle. Est-ce qu'il y a encore des places ? Donc oui, il y a un bus qui a été mis en place par donc, l'association PACTE. En général, moi, le projet que j'essaie de mener, ça s'appelle le Culture Bus. Voilà, d'essayer de trouver des partenaires. Donc là, avec le département aussi, de pouvoir mettre ça en place. Donc surtout pour les bénéficiaires du RSA, ils peuvent contacter Monsieur Sébastien Bigot, qui est référent, afin d'obtenir aussi des places du Culture Bus pour pouvoir assister à ce spectacle. Le but, voilà, c'est encore de on sait que la mobilité est très dure dans les Vosges quand on a envie d'aller voir un spectacle, soit à Souris Verte ou peu importe. Ou à Gérardmer, ben, il faut qu'on essaie de trouver les moyens parce que les gens n'ont pas les moyens de. Et puis il n'y a même pas de bus en fait réellement le soir. Quoi. Et puis, c'est vrai. Voilà, c'est le constat. Donc il faut qu'on trouve nous des solutions quand on produit un spectacle de se dire ben, il y a aussi des gens qui n'ont pas les moyens de locomotion pour s'y rendre. Voilà, c'est un travail qu'il faut mener encore ensemble. Voir avec les communautés de communes, voir avec. Il y a un gros chantier là-dessus. Genre. C'est vrai. Tu vois, on propose tellement de choses, mais combien de personnes autour de toi ou autour de moi me disent je peux pas m'y rendre, quoi. Et ça fait mal au cœur parce que moi, j'ai qu'une petite voiture. Mais sinon, je pourrais prendre tout le monde, je prends tout le monde avec moi. Et voilà, donc on essaie de trouver des solutions. Le bus partirait donc 18h ou 19h, donc je sais plus, j'ai pas l'horaire, mais n'hésitez pas à aller voir donc le Facebook PACTE, il y aura toutes les infos. PACT, voilà, PACTE pour retrouver toutes les infos. Et puis, bien sûr, tu retrouveras toutes les actions de programmation, etc. en cours, si tu en as envie. On va s'écouter un petit bout, forcément, hein, de ce titre culte de Marly Gaumont. T'en penses quoi ? Yes. Bien entendu. Je viens pas de la citer. Mais de Marly Gaumont. Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Ces petits patelins paumés, pour qui personne n'a jamais rappé, même pas un flow. Ces petits patelins paumés que même la France, elle sait pas qui sont là chez elle. Les petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaut. Je m'appelle Kamini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle Marly Gaumont. Alors qu'on monte sur le beat 1 qui fait à Marly Gaumont, y'a pas de béton. 65 ans la moyenne d'âge dans les environs. Un terrain de tennis, un terrain de basket. Trois jeunes dans le village, donc pour jouer c'est pas chouette. Viens d'un village paumé dans l'Aisne, en Picardie, facilement. 95% de vaches, 5% d'habitants. Et parmi eux, une seule famille de noirs. Fallait que ce soit la mienne. Putain, un vrai cauchemar, j'ai dit à mon père. On aurait pu aller s'installer à Moscou, non? On aurait pas trop été dépaysé par la température ni par les gens. Il m'a répondu, mais comment ça? Mais tu te moques de moi, toi, mais ça va aller, hein. Tu parles, j'avais 6 ans, premier jour d'école. Et ben j'ai chialé à cause des petits cons là-bas. Tu sais comment ils m'appelaient? Eh mon boulot, eh Pépito, eh mon boulot, eh Loirode. Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. À Marly Gaumont, les gens ils parlent pas verlan. Ils parlent drôle comme je veux, des mafibidons. Des fois ils t'aiment bien. J'aime pas les arabes, hein. J'aime pas les noirs. Mais toi je t'aime bien, même si t'es noir. De temps en temps il faut de la politique aussi, avec plein de philosophie. De toute façon moi je dis, tout est pour rien. Dans les petits patelins, faut pas être cardiaque, ouais sinon t'es mal. Faut traverser ma village en tous 50 bandes pour trouver un hôpital, que dalle. Là-bas y'a rien, c'est les pâtures. Des fois y'a un match de foot le dimanche, le stade c'est une pâture. Sur lesquelles les lignes sont tracées, les buts sont montés et les filets. Et dans l'équipe du coin y'a toujours un mec qui se fait surnommer Kéké. Allez Kéké, allez Kéké. Si c'est pas Kéké, dans l'équipe d'en face y'a toujours un mec qui s'appelle Biquet. Allez Biquet, allez Biquet. Une journée type dans le coin, le facteur, un tracteur. et à rien. Enfin, si une vache de temps en temps. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Panama, mais de Marly, comment? Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Panama, mais de Marly, comment? Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Et à l'école maternelle, j'étais le seul black. Et dans le putain de collège, j'étais le seul black. Et dans le putain de lycée, j'étais le seul black. De la maternelle au lycée, toujours autant de black. Qui se perdait dans la nature ou dans la raison. Papa me disait toujours c'est bien, faut pas se battre un piston. Mais moi je voulais me révolter, mais là-bas y'a rien à cramer. Y'a qu'un bus pour le lycée, c'est le même pour le centre aéré. Pas la peine d'aller brûler, et le voiture du voisin. Des gens ils en ont peu, ils ont tous des mobilettes. En plus le boulangerie, elle est à 8 km. 8 km, tous les matins, à mobilette. Il est parti où Vincent? Il est parti en catimini. Ah ben non, votre c'est nous hein. Parti à mobilette hein. Parti à mobilette hein. Le métro des petits patelins, c'est le but 1. Le but 1 qui fait da-da-da-da-da. Dédicace à tous ceux qui viennent des petits patelins. Les petits patelins pour mieux aussi la misère, alors rien à faire là, tout est vert. Ces petits patelins, voilà pour ce petit extrait de Marly Gaumont. Bien entendu, ce titre n'a pas pu t'échapper, hein, auditeur. Tu as forcément entendu cet artiste, Camini, qui proposera donc un spectacle très prochainement, dont on vient de parler avec Mousse, qui est mon invité d'aujourd'hui. D'ailleurs, merci encore beaucoup à toi d'être dans les studios de Radio Guémozo. Alors, on va faire un petit tour, si tu veux bien, rapide sur... peut-être d'autres actus. Je pense à la rentrée de la Maison des Cultures, de la culture pour 2022. On peut s'inscrire déjà pour cette rentrée prochaine. Oui, oui, oui. Alors donc, on a eu quand même une belle année quand même au niveau du street art, donc oui. L'ouverture de la Maison des Cultures. Et donc voilà, donc les adhérents ont vraiment bien accroché. Et donc du coup, bah voilà, on ouvre les ouvertures pour septembre. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc c'est 5 rue des Prêtres, donc à Sur-Murmont à l'agence. Vous pouvez venir et échanger. Donc c'est ouvert à partir de 6 ans jusqu'à... Pas d'âge. Pas d'âge. 99 ans. Voilà. En tout cas, c'est une super équipe, c'est un super lieu. Il y a parfois des expos, des artistes. C'est ça, c'est vraiment génial. On a eu la grande chance de pouvoir les recevoir ici, dans les studios de Radio Guémozo. Vraiment des artistes talentueux et humains comme on les aime. Est-ce qu'on fait un petit tour sur la valorisation du patrimoine de Saint-Étienne, les Remiremont prochainement, ou est-ce que ça restera une exclusivité? On peut, hein, on peut en parler un petit peu. Là, on travaille avec la commune. Sur une nocturne donc qui va se dérouler donc sur Saint-Étienne, la préparation donc avec les artisans, les producteurs locaux et les artistes locaux bien sûr. Mais donc oui. Avec une petite ouverture de scène donc ça va se dérouler pendant cet été, donc on va le 5 août de tête hein. Et donc voilà, donc ça va s'appeler donc les Nocturnes d'Étienne. On travaille dessus et là ça va être un essai pour cette année, mais je pense que l'année prochaine aussi on pourra travailler tous ensemble. Voilà. Donc mettre en place une belle nocturne sur Saint-Étienne-les-Remiremont. On reparlera de tout ça, on se tient au courant, bien entendu. Mmh. Alors toi, tu es quelqu'un qui aime les Vosges et la vallée dans laquelle tu vis, c'est indéniable. Magnifique, parce que je ne sais pas comment te dire ça, mais les Vosges, oui, il y a un patrimoine énorme. Et puis en plus, il n'y a rien qui se ressemble réellement. En fait. Quand tu vas à Gérardmer, tu vas sur Remiremont, et après tu vas sur Épinal... Je sais pas, je trouve que toutes les villes et même tous les villages, grâce au conteneur tour qu'on est en train de faire en ce moment. Et quand je visite toutes les Vosges, plus de 30 villes là avec le conteneur. Cette année, la dernière, on a fait plus de 15, soit, plus de 45 villes quoi, en fait, quand tu regardes. Explique-nous en quelques mots ce conteneur tour pour ceux qui n'auraient pas encore eu vent peut-être, bah là, s'ils ne sont pas sur les réseaux. Ah, c'est magnifique le conteneur tour, donc c'est en lien avec le SICOVA, donc le tri des déchets. Hein. OAI aussi, qui est la verrerie à Gironcourt, donc qui recycle le verre, et les communautés de communes hein, donc, à qui on travaille. C'est vraiment de remettre ces conteneurs qui sont moches. Hein. qui ne donnent pas envie d'aller trier ces déchets. Envie d'aller trier quand tu vois un truc vert comme ça. Aujourd'hui, on a fait de cet objet une œuvre d'art. Comme ça, ça valorise aussi cet objet et en même temps ça nous donne envie, comme tu as dit, tu as des enfants aujourd'hui, on a graffé des conteneurs, bah c'est comme par hasard, c'est les conteneurs où il y a plus de verre quoi, parce qu'on sait que de toute façon des petits, si on les touche, ça fonctionne. Et puis aujourd'hui un conteneur qui était mis un peu sur le côté dans la place du village, tu sais, dans derrière un truc caché quoi, t'as l'impression d'entrer dans un thriller, tu vois, Là, aujourd'hui, le conteneur, il est mis en avant, tu vois. Tu vois, il est mis en... C'est ludique, ça donne envie. Voilà. C'est agréable à regarder. Voilà, et donc, ouais. Moi, je suis un peu, tu vois, je suis dans ce truc-là, tu vois. Je suis vraiment dans ce truc-là. C'est que l'action, elle doit y avoir quelque chose derrière, tu vois. Ça s'appelle des actions culturelles. Il faut qu'il y ait un message derrière. Il faut qu'il y ait du sens. Voilà, s'il n'y en a pas, si c'est juste pour graffer ou faire... Ça ne m'intéresse pas trop, mais moi, il faut qu'il y ait un sens derrière. Voilà, super. Voilà, donc là, c'est le sens de trier le verre qui est recyclable à vie. Oui. S'il est bien déposé. Donc voilà, donc opération avec le Sicovad et qui fonctionne très très bien, 2 ans. Donc voilà. Et en plus, vous pouvez retrouver les artistes qui graffent en live sur ces conteneurs lors des conteneurs tours. Ouais. Et vous pourrez retrouver toutes les dates qui arrivent sur les réseaux sociaux, bien entendu. Et d'ailleurs, je mets du jour de la fête de la musique, il y aura 2 conteneurs en live qui vont être... Mais c'est qui, génial, voilà. Ça. Donc au champ de Mars, 2 conteneurs graffés. Donc il y aura le Sicovad aussi à partir de 14h. En même temps que les balances, mais bon, comme ça, c'est ceux qui veulent venir voir un petit peu les balances. C'est génial. Voilà, c'est ouvert, tranquille, nous, on est là. On sera là, nous aussi, voilà. Bien entendu. Merci beaucoup à toi d'être venu dans les studios pour nous parler de tout ça. Mousse, qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? Ce qu'on se souhaite tous, hein. Un peu plus de culture, plein de projets, hein, pour nos Vosges, pour nos enfants, pour les familles. Et puis voilà, de se rassembler, et puis... Simplement, voilà, moi je suis quelqu'un qui souhaite rassembler un maximum de monde et de pouvoir échanger plein de projets ensemble. Voilà. C'est ce qu'on te souhaite. Super, merci beaucoup. Auditeur, je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Guémozo. Et puis en attendant, c'est comme à chaque fois, hein, prends bien soin de toi et prends soin des autres. Allez, tous.